Chapitre 12. 8 jours après, comme l'avait calculé Conrad, Évrard était de retour de Mayence, ayant vu plus de pays en une semaine qu'il n'avait fait jusque-là dans toute sa vie. Avant de rentrer à Epstein, il s'arrêta, selon sa coutume, dans sa forêt, et arrivé à sa chère retraite, il songea. Que d'événements en un mois! Le départ de Jonatas, l'arrivée de Conrad, les récits fabuleux du colonel, la mort de Gaspard, le retour de Rosemonde, les révélations de son oncle sur le premier voyage à Epstein, voyage qui avait précédé de 6 mois sa naissance. Le monde réel entrevu, le passé éclairé, l'avenir dans l'ombre. Que de faits, que d'idées! C'était surtout ce qu'il venait d'apprendre de Conrad sur sa mère qui le préoccupait. Le vieux Gaspard et Jonatas lui avaient souvent parlé d'Albine, sans doute, mais c'était l'un à travers les glaces de son âge, l'autre à travers l'enveloppe grossière de son esprit, tandis que Conrad, c'était avec les yeux d'un frère, le cœur d'un poète et l'esprit d'un rêveur qu'il lui avait parlé de sa mère. Puis cette histoire étrange des amours de Conrad et de Noémie, cette union du château et de la chaumière, ce passé d'un autre qu'on eût dit la révélation de son avenir à lui, faisait battre à coups pressés son cœur. Chose étrange, ce souvenir qui était là comme un phare pour marquer l'écueil au lieu de l'effrayer, entraînait l'âme de l'enfant comme un attrait, comme une promesse, comme un vertige, et ce terrible exemple qui semblait envoyé tout exprès par Dieu pour l'effrayer lui apparaissait vaguement comme une justification toute prête. Conrad avait aimé Noémie. Un jeune homme, un comte d'Epstein, sorti un jour du château, avait rencontré une jeune fille pauvre et sans naissance qui venait de la maison de Gaspard, le garde-chasse. Il l'avait aimée, il en avait fait sa femme. Sa femme, c'était tout ce que voyait Évrard. Tout cela agitait, tourmentait, oppressait ce jeune esprit. L'enfant en avait comme la fièvre. Il se trouvait transformé, exalté, grandi. Il se croyait plus fort et était tout fier de sa force. Vagues élans, confuses espérances, souffrances nouvelles, il confia tout à sa mère avec un certain délire inconnu et qu'il ressentait pour la première fois. Évrard était heureux sans savoir pourquoi il était heureux. Il avait vécu et pensé jusque-là. Il éprouvait le besoin d'agir. Il avait si bien et si vite compris les grandes choses qu'on lui avait montrées pour la première fois que, sans être à leur hauteur par l'exécution, il lui semblait pouvoir atteindre à tout par la pensée. Que n'entreprendrait-il pas maintenant? Quel obstacle pourrait l'arrêter? Devant qui tremblerait-il? En ce moment, il pensa qu'il n'était plus qu'à 1 lieue de la maison du garde-chasse et qu'il allait revoir Rosemonde. Il s'arrêta et pâlit. Oui, sans doute, tout le reste de la terre, il l'eût bravé. Mais elle, Rosemonde, si belle, si grande, si savante maintenant, oserait-il même paraître devant elle? Et d'instinct, sans s'en rendre compte, au lieu de retourner comme d'habitude à la maison du garde-chasse, il s'achemina vers le château. Le soir tombait quand Évrard arriva devant la petite porte du parc, et notre songeur, tout préoccupé des grandes choses qu'il avait vues et des grandes choses qu'il avait rêvées, ne s'aperçut pas d'un certain mouvement inusité qui régnait dans les cours et dans les corridors. Absorbé par ses pensées, qui l'isolaient sans cesse de ce qui l'entourait, quand ce qui l'entourait n'était pas sa forêt bien-aimée, il entra dans la grande salle sans voir et sans entendre. Sa tête était penchée, son âme se sentait fière et hardie, et tout son être semblait renouvelé. « Voici Monsieur Évrard, » dit un valet en ouvrant la porte du corridor qui donnait sur la chambre rouge. L'enfant entra sans savoir pourquoi on l'annonçait. Un homme de haute taille, qu'Évrard ne connaissait pas, était assis devant la cheminée où brûlait un grand feu. Car dans cette chambre aux murs épais, on allumait du feu en toute saison. Seulement, comme ce feu éclairait à peine, le domestique alluma les quatre bougies d'un candélabre. Ces quatre bougies firent un cercle de lumière qui s'étendit au tiers de l'appartement à peu près, et qui ne jeta que de faibles lueurs dans le reste des grandes ombres de la vaste salle. « Ah, Ouida, voilà Monsieur Évrard !» dit avec un accent sardonique et en se levant l'étranger, qui, au grand étonnement de l'enfant, paraissait s'être établi dans cette chambre qu'habitait sa mère et où sa mère était morte. « Oui, dit-il, me voilà. Qu'y a-t-il et que me veut-on ? Ce qu'il y a, ce que l'on vous veut, on veut savoir d'où vous venez ainsi, vagabond. Mais d'où il me plaît, répondit Évrard. Et sur ce point, il me semble que j'ai toujours été libre et n'ai jamais rendu de compte à personne. Qu'est-ce que cette insolence ? Dit l'étranger en fronçant le sourcil et en saisissant de sa main crispée le dossier de son fauteuil. Ne savez-vous point, monsieur, à qui vous parlez ? « Non, en vérité, » dit avec la meilleure foi du monde Évrard de plus en plus surpris. « Comment ? Non ? Ah, vous raillez quand j'interroge, vous plaisantez quand j'accuse. » « Sans doute, car j'ignore d'où vous vient ce droit de m'interroger et de m'accuser. »« D'où me vient ce droit ? Êtes-vous fou, monsieur ? À moi, le comte Maximilien d'Epstein, à moi, votre père ?» « Vous êtes le comte d'Epstein ? Vous êtes mon père ?» s'écria Évrard stupéfait. « Ah, vous ne m'avez pas reconnu, n'est-ce pas ? L'excuse me paraît bonne et surtout filiale. »« Monseigneur, pardonnez, mais je vous jure que, dans cette obscurité et au premier aspect, et d'ailleurs, il y a si longtemps que je n'ai pas eu l'honneur de vous voir. »« Taisez-vous ! » s'écria le comte furieux de cette justification où sa conscience lui montrait un blâme. « Taisez-vous et tâchez de répondre en fils soumis au lieu de parler en enfant révolté. » Il se fit une pause. Évrard, tête nue, debout, la rougeur sur le front, une larme tremblante dans les yeux, attendait. De son côté, le comte Maximilien, dont la colère montait comme une marée, se promenait de long en large, s'arrêtant parfois pour regarder celui que, par un effort, il était arrivé à appeler son fils, et cela dans la chambre de sa mère, dans la chambre d'Albine, à la même place où, 15 ans auparavant, il avait écrasé celle qu'il croyait coupable, du poids de cette même colère qui, renaissante, l'étouffait encore aujourd'hui. Maximilien se sentait plein de haine pour cet enfant comme pour un ennemi. Il ne pouvait lui pardonner les remords qu'il avait ressentis parfois. Il ne pouvait lui pardonner surtout cette profonde terreur qu'il avait éprouvée la nuit où il avait fait ce rêve dans lequel il avait vu Albine morte berçant son enfant endormi. Aussi s'arrêta-t-il tout à coup devant Évrard, les bras croisés, et comme si l'enfant avait pu suivre les pensées tumultueuses qui bouleversaient son esprit et brûlaient son front. « Mais répondez donc » s'écria-t-il. « Je croyais que vous m'aviez dit de me taire, » répondit l'enfant. « L'ai-je dit ? Soit. Eh bien, maintenant, je vous ordonne de parler. Voyons, d'où venez-vous ? Pourquoi quittez-vous ainsi ce château des semaines entières ? J'arrive il y a 5 jours de cela. Je demande après vous, je m'informe. On me dit qu'on ne sait où vous êtes, qu'après avoir assisté aux funérailles de je ne sais quel manant, vous êtes parti avec je ne sais quel vagabond. Monsieur, c'était Gaspard Müden qui était mort. Et vous, comte d'Epstein, vous avez conduit les funérailles de ce paysan ? C'est très bien. Mais, après avoir fait cet acte de popularité, qu'êtes-vous devenu? Où êtes-vous allé? Répondez! Mais, sans Dieu, répondez donc! Pardon, monseigneur, répondit doucement Everard, mais en quittant le château pour des jours et même pour des semaines, je sais bien que je n'alarme personne. Dans ces paroles toutes simples, mais puissantes par leur simplicité même, le comte vit une allusion amère à l'abandon dans lequel il laissait son fils. Et, en effet, telle était la terrible position de ce père vis-à-vis de son enfant, qu'Évrard ne pouvait dire un seul mot qui ne le blessât. Or, on sait ce que c'était que la colère de Maximilien, et l'on comprend quelle rage devait produire en lui l'involontaire ironie de celui qu'il regardait comme un intrus dans sa famille. Il marcha donc sur Évrard et, d'une voix tonnante, « Cesserez-vous bientôt de m'insulter ? » s'écria-t-il. « Vous n'avez à alarmer, dites-vous, personne ? Eh, par Dieu ! Méritez-vous qu'on s'alarme pour vous, enfant maudit, qui nous faites honte par votre ignorance et votre bassesse ? Êtes-vous digne de votre place au foyer de la famille et dans le cœur paternel ? Avez-vous gagné votre part d'héritage et d'amour ? Qui êtes-vous, monsieur ? Qui êtes-vous ? On m'a dit que j'étais votre fils, comte Maximilien d'Epstein, et je ne sais malheureusement là-dessus que ce que l'on m'a dit. On vous a dit ? Railleur impie, on vous a dit ? Répéta le comte, dont tous les soupçons se réveillaient à ce mot, qui réveillait aussi toutes ses colères. Ah, l'on vous a dit que vous étiez mon fils ! Êtes-vous sûr ? Continua-t-il en appuyant son poing crispé sur l'épaule de l'enfant. « Êtes-vous sûr que celui qui vous a dit cela ne mentait point ?»« Monsieur !» s'écria l'enfant indigné. « Monsieur ! Ah, par la sainte mémoire de celle qui nous regarde tous deux, c'est vous qui mentez, car vous calomniez ma mère !»« Misérable bâtard !» s'écria le comte. En même temps, le comte d'Epstein, incapable de résister à la violence de sa colère, leva sa main et la laissa retomber sur le visage d'Évrard, qui plia sous le coup. Maximilien, effrayé de lui-même, recula aussitôt d'un pas, mais l'enfant se releva lentement et regarda son père. Il y eut un moment de silence affreux. Puis Évrard, pâle d'humiliation, la poitrine gonflée, des larmes dans ses yeux brillants, la main sur son cœur oppressé, Évrard, d'une voix saccadée, se contenta de dire ce mot simple et profond, naïf et terrible, parole d'enfant plus effrayante qu'une menace d'homme. « Prenez garde, monsieur, je le dirai à ma mère. »